C'était un jour jeudi, un jour jeudi dans l'après-midi. Descends distraction, en descendant que nous sommes position. Aïe aïe aïe, pense à nous, il remarque même sa consolation. Il fait mieux proposition. Au analyse de répétition, il fait mieux proposition. Au analyse de répétition, voilà. C'est là qui t'a prévédé. La peine des sous les nerfs. T'as arrivé me sentir soulagé. Après y'a un moment m'en passé. Y'a un vent qui t'a prévalé. Dans une lame et vide à danser. Y'a un lac qui va les tomber. Dans une lame et vide à danser. Y'a un lac qui va les tomber. Thank you. Pour moi, l'oiseau, les mains en l'air. Si vous n'aimez pas, je m'en vais. Ça va ou ça va pas?